إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 23 dans la lecture du livre شرح عقيدة أهل السنة والجماعة du Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Et on est arrivé maintenant à la lecture d'un autre verset dans le livre au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh il dit donc rahimahullah, il dit wa nu'minu bi annahu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. نعم. Donc ça c'est le verset 11 et 12 dans sourate Shura, et ça explique un principe très important en ce qui concerne la croyance en les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens de Ahlus Sunnah. C'est un verset qui est très très important. Et ce verset, il signifie en français, ou bien ces deux versets, ils signifient en français, rien ne lui ressemble. Hein? Rien ne lui ressemble, il n'y a rien comme lui. Et il entend et voit tout. Wa huwa as-sami'u البصير. السميع c'est celui qui entend tout, et ça vient de as-sam'u. As-sam'u ça veut dire l'ouïe, hein, le fait d'entendre. Et al-basir ça veut dire celui qui voit tout, et le terme basir ça vient de al-basar, et al-basar c'est la vue, c'est le fait de voir. Ensuite il dit dans la suite du verset lahu maqalid as-samawati wal-ard, à lui appartient, hein, c'est lui qui détient les clés des trésors des cieux et de la terre. Et ensuite il dit yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir, c'est-à-dire il attribue de ses richesses et de ses largesses, de ses biens, ou le restreint, hein, ou il les restreint à qui il veut. Donc yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Il est certes omniscient, c'est-à-dire il a la connaissance de toutes choses. Donc ça c'est une traduction donc des sens de ces deux versets-là. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, ça c'est la fin du verset 11. Hein, il n'y a rien qui lui ressemble, et celui l'audient et le voyant, ou le, hein, celui qui voit tout. Et il possède les clés des trésors des cieux et de la terre. Il attribue ses dons avec largesse, ou il les restreint à qui il veut. Il est omniscient. Il est certes omniscient. Donc, on va lire maintenant l'explication de ce verset. Et donc, dans des versets comme ça, on voit que c'est comme en fait si le cheikh il fait le tafsir en fait de ces versets là il fait le tafsir, il nous donne la signification de ces versets. Donc il dit wa qawluhu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il dit min jumlati aqidati ahli sunnati wal jama'a al-iman bi anna Allah ta'ala laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. يعني شيء اسم ليس مؤخرا اسم ليس يعني شيء اسم ليس مؤخر كمثله خبرها مقدم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير وهو السميع البصير. واختلف العلماء في الكاف هل هي زائدة أم لا فقال بعضهم إنها زائدة وقال بعضهم إنها غير زائدة فالذين قالوا إنها غير زائدة يلزمهم أن يؤولوا المثل إلى معنى تكون به الكاف غير زائدة فقالوا المثل هنا بمعنى الصفة أي ليس كصفته شيء وقالوا إن المثل والمثل يأتيان بمعنى واحد والمثل قد أتى بمعنى الصفة كما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس إلى آخره فقالوا إن المثل هنا بمعنى الصفة وعلى هذا فتكون الكاف هنا غير زائدة أي ليس كصفته شيء وقال بعضهم إن مثل بمعنى نفس أي ذات والمعنى ليس كذاته يعني والمعنى ليس كذاته شيء وعلى هذا فالكاف غير زائدة وقال بعضهم إن المثل بمعنى المماثل على هذا تكون الكاف زائدة لأنك إذا قلت ليس كمثله صار المعنى كأنك تثبت له مماثلا وأن المماثل ليس له مماثل وهذا لا يستقيم. قالوا إذن نقول الكاف زائدة للتوكيد كما تزاد الباء وكما تزاد من للتوكيد فكذلك هنا الكاف زيدت للتوكيد والتوكيد هنا هو توكيد نفي المماثل يعني أن الله ليس له مماثل وعلى فرض أن يكون له مماثل فليس لمماثله مماثل وعلى هذا تكون الكاف زائدة للتوكيد وهذا كله لأن المسلمين متفقون على أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل كما دلت على ذلك آيات صريحة مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله ليس كمثله شيء هذه صفة من الصفات المنفية. Donc, on va traduire ce passage. Le cheikh, ici, il est en train d'expliquer la signification du verset « Laysa kamithlihi shay'un ». C'est-à-dire, comme on l'a traduit tout à l'heure, « Wa alaykum assalam wa rahmatullah »« Laysa kamithlihi shay » Il n'y a rien qui lui ressemble. Hein, il n'y a rien comme lui. Il n'y a rien de semblable à lui. Il n'y a rien de pareil à lui. Et il est l'audient et le voyant. Et donc ça c'est parmi les principes et la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a que nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien comme lui, il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui soit pareil à lui ou semblable à lui. Et il est l'audient et le voyant. Et ici donc, le cheikh il explique que en ce qui concerne le kaf dans kamithlihi, il y a divergence entre les ulama, à savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est ajouté, qui est supplémentaire, ou bien, ce n'est pas le cas. Ou bien ce n'est pas le cas, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de supplémentaire ou d'ajouté. Ceux qui disent que ce n'est pas ajouté, eh bien ça implique qu'ils doivent expliquer et interpréter le mot mithl par quelque chose. On doit le remplacer ou l'expliquer ou l'interpréter par quelque chose d'autre pour que le kaf ne soit pas ajouté ou supplémentaire. Et donc voici quelques exemples par quoi ils ont interprété le terme mithl dans le mot, dans le verset kamithlihi. Donc al mithl, ça veut dire quelque chose qui est pareil, semblable. Par exemple, si je dis en arabe, par exemple, Ahmadun mithlu Muhammadin. Hein, ça veut dire Ahmad est comme Muhammad. Ahmad est comme ou ressemble ou est semblable à Muhammad. Donc ça, c'est la signification du terme mithl. Et donc, les ulama ici, quand ils expliquent ici que le kaf, donc kamithlihi, laysa kamithlihi, c'est comme si tu dis, il n'y a pas comme son semblable quoi que ce soit. Il n'y a rien qui soit pareil à lui ou comme semblable à lui ou comme lui. Et donc, certains ulama ils l'ont expliqué en disant que en réalité, le mot mithl ici signifie as-sifa, signifie l'attribut. Donc il n'y a pas comme son attribut, il n'y a pas quelque chose qui soit semblable ou qui soit comme son attribut. Hein? Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a pas un attribut qui lui soit pareil ou qui soit comme la sienne. Ça, c'est une explication qu'ils ont donnée. Et ils ont donné l'exemple. Pour montrer l'exemple dans ce sens-là, le verset dans Surat Muhammad, le verset 15, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ, c'est-à-dire yani, voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Donc ils disent que le terme مَثَل, c'est la même chose que c'est semblable au terme مِثْل. Et ici dans ce verset-là, le verset 15 dans Sourate Muhammad, il est employé dans le sens de l'attribut, la description. Mathalul Jannah, donc l'exemple du paradis, la description du paradis, hein, l'attribut du paradis qui a été promise pour les pieux. Le paradis qui a été promis pour les pieux. Donc ils disent ici, le terme mathal, il est utilisé dans le sens de l'attribut, la description. Les caractéristiques. Eh bien, ils disent que ça, c'est dans la même chose que pour mithl. Et donc, si tu l'expliques dans ce sens-là, alors ça veut dire que le kaf, il ne serait pas un ajout, mais ce serait dans le sens de comme l'attribut de. Donc, il n'y a rien semblable à l'attribut d'Allah. Il n'y a rien semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres ont expliqué le terme mithl en disant que c'est dans le même sens que nafs. Donc ça voudrait dire laysa ka nafsihi shay. Nafs dans le sens de al-dhat en arabe, c'est-à-dire il n'y a rien qui serait comme son être, comme sa personne. Il n'y a rien qui serait comme sa personne ou comme son être. Ça, c'est une autre explication qui a été mentionnée. Donc ça, c'est, comme je dis, les différentes explications qui ont été mentionnées par les ulama. D'autres ulama ont expliqué que al-mithl, c'est plutôt dans le sens de al-mumathil. C'est-à-dire qu'est-ce qui est pareil ou qu'est-ce qui est comparable ou qu'est-ce qui est semblable. Donc, ils disent ici, dans ce cas-là, le kaf, il est un surplus. Il est un surplus dans le mot. Parce qu'on n'en a pas besoin en réalité. Si on dit que le terme mithl signifie qu'est-ce qui est semblable, alors le kaf, il a le même sens déjà. C'est comme si tu disais comme un semblable. Il n'y a pas comme un semblable quoi que ce soit à Allah. Donc le kaf, il jouerait un sens supplémentaire dans le verset qui est pas nécessaire ou qui est pas utile dans le verset. Et donc, il dit que si tu le dis dans ce sens-là, il dit وَهَذَا لَا يَسْتَقِيم, يعني ça ne donne pas un sens qui est clair, qui est droit dans ce sens-là. Et donc, c'est pour ça qu'ils disent que dans ce cas-là, le kaf, ici, il est ajouté pour confirmer le sens. Le kaf, il est rajouté pour confirmer et pour donner plus de force au mot mithl, en réalité. Donc, ça, c'était un petit détail que le cheikh il explique par rapport à ce verset-là pour faire comprendre ce qui a été dit à ce sujet-là. Yani, j'aurais pu passer par-dessus ce point-là, puisque c'est des questions qui sont plus reliées à la connaissance des termes de la langue arabe et que c'est plus spécifique à l'arabe. Mais yani, j'ai voulu, disons, rapprocher un petit peu le sens pour faire comprendre qu'est-ce qui est dit à ce sujet-là. On ne sait jamais, peut-être que ça peut être utile d'être au courant de cette chose-là pour quelqu'un un jour ou l'autre. On ne sait pas quand est-ce que ça pourrait servir. Donc, le shaykh, il dit donc, tout ça, c'est pour dire que, parce que pour les musulmans, c'est une chose qui est acceptée, qui est connue par tous les musulmans, que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Et ça, c'est établi par des versets qui sont clairs et explicites à ce sujet-là dans le Coran. Par exemple, le verset 65 dans Sourate Maryam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ. Est-ce que tu lui connais un sami? Un sami, ça veut dire, est-ce que tu lui connais quelque chose qui lui serait semblable ou comparable, ou égal, hein? Et comme aussi le verset 22 dans Sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Et Al-Andad, c'est un égo, un semblable. Donc, ne donnez pas à Allah des égaux, des semblables. Hein? Alors que vous savez. Et donc, ça, c'est pour établir le fait que il est clair et il est connu, selon la aqidah d'Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, la aqidah des musulmans, que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui est comme lui. Il n'y a rien qui lui est semblable. Il dit, وَقَوْلُهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ هَذِي صِفَةٌ مِنَ الصِّفَاتِ الْمَنْفِيَّةِ وَنُفِيَتْ الْمُمَاثَلَةِ لِكَمَالِهِ وَعَدَمُ إِلْحَاقِ أَحَدٍ بِهِ فهو لكماله لا يوجد له مثيل أبدا لا لأنه ليس بموجود بل لأنه موجود ولكن لا يماثله أحد. وهذه الجملة رد على الممثلة الذين يقولون إن الله تعالى له مثيل ويمثلون الله بالخلق والعياذ بالله. وحجتهم في ذلك أن الله تعالى لا يخاطبنا إلا بما نفهم، حتى قال بعضهم خطيبا، يعني قام بعضهم خطيبا وقالوا سألوني عن كل شيء أخبركم به واعفوني عن الفرج واللحية، نسأل الله العافية، لأن الفرج لا يحتاج إليه إلا من يحتاج إلى النسل واللحية. واللحية على زعمه تنافي الجمال لأن الأمر أجمل من ذي اللحية لأن الأمرد أجمل من ذي اللحية. فقال اعفوني منها والباقي أنا مستعد أن أمثله لكم. فأقول اليد مثل يدي والوجه كذلك. وهذا رأي الضلالة وهذا رأي الضلال الممثلة الذين يعبدون الصنم كما قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة النونية. الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. وهذا صحيح. فالممثل يعبد صنما لأنه يقول الله مثل كذا، والمعطل يعبد عدما لأن نتيجة تعطيله أن لا وجود لله. Donc le cheikh il explique, il dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'y a rien qui lui ressemble, ça c'est une des attributs de négation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel il nie toute ressemblance et toute comparaison avec sa création. Et la raison pour laquelle il nie la ressemblance, c'est à cause de sa perfection. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Et donc personne peut être comparé à lui. Et personne ne peut l'égaler. Parce qu'il est parfait. Il est parfait dans tout, dans tous ses attributs. Et il dit, c'est pas parce que... Donc, parce qu'il est parfait, il n'y a pas de comparaison ou d'égal ou de semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il explique, il dit, وَفِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ. Donc, dans cette phrase, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien de semblable à lui. Il y a une réfutation d'une secte ou d'un groupe qu'on appelle Al-Mumathila. Al-Mumathila. Et le terme Al-Mumathila, des fois il y a certains qui le traduisent par le terme anthropomorphiste. Anthropomorphiste. Sauf qu'anthropomorphiste, c'est une traduction qui est restrictive, si on veut. C'est une traduction qui est restrictive, pourquoi? Parce que la ressemblance, c'est plus vaste que l'anthropomorphisme. Pourquoi? Parce que l'anthropomorphisme, ça veut dire de faire ressembler Allah à un homme. Et quand on parle de ceux qui font ressembler Allah à sa création, eh bien, c'est beaucoup plus large que de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à un être humain. Puisqu'il y en a qui font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à des animaux. Il y en a qui font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à de la matière. Il y en a qui font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à d'autres choses, au néant, à des matières inertes ou des choses de ce genre. Donc pas uniquement à un être humain. Donc l'anthropomorphisme, c'est une partie seulement de le fait de faire ressembler Allah à sa création. Mais c'est pas tout ce qui rentre dans ce terme-là, c'est beaucoup plus large. Et donc, le fait de faire al-tamthil, ou bien de faire partie de ce qu'on appelle al-mumathila, eh bien ça, c'est clair que c'est quelque chose qui rentre dans le kufr, qui rentre dans la mécréance. Parce qu'on n'a pas le droit de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa créature, ou à sa création. Et le contraire aussi. On n'a pas le droit de faire ressembler la création à Allah subhanahu wa ta'ala, et on n'a pas le droit de donner à la création des attributs divins, comme on n'a pas le droit de donner au divin, à Allah subhanahu wa ta'ala, des attributs de la créature. Quand on dit des attributs de la créature, c'est-à-dire de décrire Allah subhanahu wa ta'ala par des défauts ou par des faiblesses ou par des imperfections, ou de décrire Allah subhanahu wa ta'ala par autre chose que ce qu'il sait décrit lui-même. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que si on décrit Allah subhanahu wa ta'ala par ce qu'il sait décrit lui-même dans le Coran, ou par ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit dans la sunna, alors dans ce cas-là, il n'y a aucune imperfection là-dedans. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de sa personne, à propos de ses attributs, et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, à propos de ses noms et de ses attributs, tout ça, ce n'est que de la perfection. Et si certaines personnes s'imaginent que dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné au sujet de sa personne, et ce qu'il a mentionné comme attribut dans le Coran, ou bien ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans la sunna authentique, s'il s'imagine que dans ça il y a une imperfection, alors ça veut dire que c'est en réalité dans sa tête qu'il y a une imperfection. C'est dans sa compréhension qu'il y a un problème. C'est pas dans les attributs d'Allah, c'est pas dans les attributs d'Allah que Allah s'est donné à lui-même dans la révélation, dans le Coran ou dans la sunna authentique. Donc ça c'est clair et c'est important de le comprendre. Donc pour revenir à qu'est-ce que le cheikh il explique ici, il dit que Ce verset, Laysa kamithlihi shay'un, c'est une réfutation donc des mumathila, ceux qui veulent faire ressembler Allah à sa création. ils disent, c'est-à-dire les mumathila, que Allah il a un semblable. Hein? Ils comparent Allah à sa création. Ils comparent Allah à sa création, wal'iyadhu billah. Et leur argument dans, à ce sujet-là, c'est de dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous parle que par ce que nous comprenons. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous parle que par ce que nous sommes capables de comprendre. Et il dit qu'il y en a même un qui s'est levé pour faire un sermon et pour faire un discours, une khutbah. Puis il a commencé à dire, demandez-moi tout ce que vous voulez, hein, à propos d'Allah, et je vais vous donner l'information, et je vais vous en parler. Mais épargnez-moi de mentionner la barbe épargnez-moi de mentionner les parties intimes, hein, et de mentionner la barbe. Wal'iyadhu billah. Donc ils disent, demandez-moi à propos d'Allah ce que vous voulez, demandez-moi toute chose, je vais vous donner des informations à son sujet, mais épargnez-moi de mentionner les parties intimes et la barbe. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est comment il parle. Il a dit, parce qu'il dit là, les parties intimes, il n'en a pas besoin. Celui qui en a besoin, c'est seulement celui qui veut se reproduire. Et la barbe, selon eux, eh bien, c'est pas quelque chose qui est beau. Hein, parce que pour eux, le fait d'être imberbe, c'est plus beau que d'avoir la barbe. Voilà, wal'iyadhu billah. Donc ça, c'est grave. Et donc, ils ont dit, hein, épargnez-moi de mentionner la barbe et les parties intimes. Mais le reste, je suis prêt à vous faire des comparaisons pour vous, entre Allah et les créatures. Et donc, il dit, par exemple, je vous dis, ça c'est la parole du mumathil, la parole de celui qui fait le tamthil, il dit, la main est comme ma main. C'est-à-dire, la main d'Allah, elle est comme ma main. Et le visage est comme mon visage, et ainsi de suite. Hein? Donc il dit, moi je peux vous comparer Allah à toutes les créatures, sans problème. Hein? Sauf, épargnez-moi de mentionner la barbe et les parties intimes. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est les mumathil, c'est ça les mumathil. Beaucoup de gens, par exemple, parmi les Ahbash ou bien les Asha'ira, qui accusent Ahlus Sunnah wal Jama'a, ceux qui suivent la Aqidah des Salaf, ils les accusent d'être des anthropomorphistes. Ils les accusent d'être des mumathila. Ils traduisent ça par anthropomorphisme. Et la raison de ça, c'est parce que eux, ils comprennent même pas du tout, de toute façon, la signification de l'anthropomorphisme ou bien du tamthil. Qu'est-ce que c'est réellement? Hein? Eux, ils pensent que c'est le fait d'affirmer ce que Allah a affirmé dans le Coran et dans la Sunna. Donc, ils pensent que si tu dis, par exemple, Allah, il a une main, ils pensent que ça, c'est du tamthil. Alors que ça n'a rien à voir avec le tamthil, puisque Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran qu'il a une main. Donc, si ça, c'était du tamthil, ça veut dire Allah, il fait le tamthil. Hein? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fait le tamthil dans la Sunna. Puisque à chaque fois qu'il mentionne des choses, il dit, je jure par celui qui tient mon âme en sa main. Et il parle d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُوا كَيْفَ يَشَاءُ. Et il dit à Iblis, مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. Hein? Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé avec mes deux mains? Donc, hein, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Donc ça c'est un point, en fait, pour faire comprendre que ces gens-là, ils ne savent pas c'est quoi le tamthil. Le tamthil, le vrai, c'est qu'est-ce que le cheikh Ibn Uthaymeen a mentionné de la part de la personne ici qui a fait le tamthil dans l'exemple qu'il a donné. C'est la personne qui dit, Allah a une main et sa main est comme ma main. Hein? La main d'Allah est comme la main des hommes. Ou bien, le visage d'Allah est comme le visage des hommes. Et ainsi de suite. Celui-là, ça c'est le tamthil. Mais celui qui dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main. Et cette main-là, elle convient à sa grandeur et à sa majesté. Et elle ne ressemble pas à celle des créatures. Tu ne peux pas dire qu'il a fait du tamthil. Tu ne peux pas dire qu'il a fait du tamthil. Il a affirmé ce que Allah a affirmé. Celui qui dit, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, d'une manière qui lui convient, et différente de celle de ses créatures. C'est-à-dire, il est au-dessus de ce que de ce qu'il a créé, il est au-dessus de sa création, ça tu peux pas dire qu'il a fait le tamthil. Donc ça c'est très important déjà en commençant de savoir ce que signifie le tamthil. Hein? C'est de comparer, de faire une comparaison et de dire que ceci est comme cela. Hein? Mais celui qui ne fait pas de comparaison, comment tu peux l'accuser de tamthil? Ensuite, le cheikh il continue, on va lire la suite. Le cheikh il dit وَهَذَا رَأْيُ الضُّلَّالِ. Il dit ça c'est l'opinion des égarés parmi les gens de tamthil, les gens qui font des comparaisons et qui font ressembler Allah à la création, qu'on appelle les mumathila. Il dit ceux-là, ils adorent en réalité une idole. Pourquoi on dit qu'ils adorent une idole? Le cheikh il dit ces gens-là, comme l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit dans An-Nuniyya, un livre qu'il a écrit qui est composé de 6000 vers pour la défense de l'aqidah d'Ahl-Sunnati wal-Jama'a. On l'appelle Al-Kafiyatu Shafiyah. Et tous les vers de ce poème terminent par la lettre Nun en arabe. C'est pour ça qu'on l'appelle Nuniyya. Eh bien, Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre An-Nuniyya, dans son poème, il dit que le mumathil, la personne qui compare Allah et qui fait ressembler Allah à sa création, en réalité c'est une idole qu'il adore. Tandis que Al-Mu'attil, hein, l'autre extrême et l'autre opposé par rapport aux attributs, c'est celui qui nie les attributs d'Allah. Hein? Et bien lui, il dit Ya'budu Adaman. Il adore le néant. Donc, le mumathil, celui qui fait ressembler Allah à sa création, il adore une idole. Parce qu'il invente une idole, il décrit quelque chose, hein, et il le compare à une créature, puis il dit Allah c'est ça. Hein? Allah il a une main comme la main des créatures, il a un visage comme le visage des créatures, il est comme les créatures. Donc lui en réalité il adore pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Il adore une idole qu'il s'est inventée lui-même. Tandis que Al-Mu'attil, lui qu'est-ce qu'il fait? Il nie les attributs d'Allah tels que Allah s'est décrit dans la révélation. Donc en réalité il adore rien, il adore le néant. Hein? Il décrit le néant, et c'est ce qu'il adore. Et on va voir l'exemple de ça. Hein? On en a parlé déjà, même je pense que j'ai donné des exemples de ça plusieurs fois. C'est quand ils disent, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas au-dessus de sa création, ni en dessous de sa création, ni en devant de sa création, ni derrière sa création, ni à droite de sa création, ni à gauche de sa création, ni à l'intérieur de sa création, ni à l'extérieur de sa création. Dans ce cas-là, il n'existe pas. Hein? C'est comme si tu nies son existence même. Et donc le cheikh il dit ça c'est vrai, qu'est-ce que l'imam Ibn al-Qayyim a dit, c'est vrai, parce que celui qui compare Allah et qui fait ressembler Allah à sa création, il adore une idole, parce qu'il dit Allah est comme ceci et Allah est comme cela, c'est-à-dire Allah est comme les créatures. Tandis que le mu'attil, il adore le néant. Hein? Et le résultat de sa négation des attributs d'Allah, c'est que Allah n'existe pas, n'a pas d'existence réelle. En réalité, quand tu écoutes les négations que font les mu'attila, les négateurs des attributs d'Allah, tu en viens à la conclusion que ils n'affirment aucune existence réelle à Allah subhanahu wa ta'ala, excepté une existence abstraite qui n'existe que dans leur esprit, dans leur imagination, mais rien de réel. Hein? Et donc le cheikh il dit al-muhim an hadhihi al-jumla wa hiya qawluhu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir taqta'u hujjata kulli mu'attil li'anna 'ammata aqwal al-mu'attilin yahtajjun 'alayha bihadhihi al-aya li'an yani أن هذه الجملة وهي قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تقطع حجة كل معطل لأن عامة أقوال المعطلين يحتجون عليها بهذه الآية فيحتجون عليها بأن إثباتها يستلزم المماثلة فنرد عليهم بذلك ونقول لله عين ولكن ليست كمثل عين كمثل أعيننا، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، وأن له وجها ليس كوجوهنا، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ونؤكد هذا أي نثبته، ثبوت أي ونؤكد هذا أي ثبوت أصل المعنى بلا مماثلة بالواقع المحسوس. فنقول لهؤلاء ألكم أعين؟ فسيقولون بلى. فنقول هل للحمار أعين أو هل للحمار عين؟ فسيقولون نعم. فنقول هل عينكم تشبه عين الحمار؟ سيقولون لا. نقول إذا كان هذا التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض بين المخلوقات بعضها مع بعض، فكيف لا يقع التباين بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى؟ فالتباين بين المخلوق والخالق أبين وأوضح وأجلى وأعظم، والفرق بين المخلوقات بعضها مع البعض فرق لا يعدو أن يكون اختلافا في الصورة والشكل، لكن الفرق بين الخالق والمخلوق بين الخالق والمخلوقات فرق عظيم في الذات والصفات وكل شيء. وعلى هذا فالجزء من الآية يقطع حجة كل معطل، لأن غالب حجج أهل التعطيل أن إثبات الصفات على حقيقتها يستلزم المماثلة، فنقول إن الله تعالى ليس كمثله شيء، ثم نقول أيضا وهو رد واضح على الممثلة الذين يثبتون صفات الله تعالى مع التمثيل، ويقولون عين الله حق ولكنها كأعيننا، لأن الله لا يخاطبنا إلا بما نفهم. فنقول لهم هذا مبطل للآية الكريمة، وما أبطل الحق فهو باطل، فيكون قولكم هذا باطل. Donc le cheikh il dit, l'important de comprendre c'est que cette phrase la laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, il n'y a rien qui lui ressemble ou qui lui est semblable et il est l'audient et le voyant, eh bien elle détruit complètement l'argument des gens qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que la majorité des gens qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien souvent ils se basent sur ce verset. Il n'y a rien qui lui ressemble. Donc quand le cheikh il dit, ils utilisent ce verset-là comme preuve, pour dire que si tu affirmes une attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique une ressemblance. Et nous on les réfute. Quand ils disent ça, par le même verset. Et on leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a un œil. On dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est attribué l'œil. Mais c'est pas comme nos yeux à nous. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a rien qui lui ressemble. Et il a affirmé qu'il a un visage. Mais ce n'est pas comme notre visage. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Et nous confirmons cela, c'est-à-dire l'affirmation de la base de la signification de l'attribut sans ressemblance dans la réalité palpable, dans la réalité palpable et visible. Et donc, on dit à ces gens-là, on leur donne des exemples concrets. On leur dit, est-ce que vous avez des yeux? Ils vont dire oui. Est-ce que les ânes ou les mules, ils ont des yeux? Ils vont dire oui. Tu leur dis, est-ce que vos yeux sont semblables aux yeux des ânes? Ils vont dire non. Alors on dit, dans ce cas-là, s'il y a une différence entre les créatures elles-mêmes, les unes avec les autres. Alors comment dans ce cas-là n'y a-t-il pas de différence et de distinction entre les créatures et le Créateur? Donc on voit que s'il y a une différence entre les créatures elles-mêmes, et que il y a des fois il y a des il dit que dans ce cas-là ça veut encore plus dire qu'il y a une, la différence entre la créature et le Créateur est encore plus claire et encore plus grande et encore plus évidente. Il dit la différence parfois entre les créatures les unes avec les autres, c'est une différence qui est juste dans la forme, tandis que la différence entre le Créateur et les créatures, c'est une différence et une distinction immense dans l'être et dans les attributs et dans toute chose. Naam, donc c'est ça. On voit par exemple même le Cheikh dans d'autres cours, il a donné d'autres exemples de ce genre-là aussi. Il dit c'est comme par exemple les animaux qui par exemple ont une vue, comme par exemple les aigles. Les aigles, ils ont des yeux. Et les êtres humains, ils ont des yeux aussi. Et est-ce que les yeux des êtres humains et les yeux des aigles sont pareils? Non. Il y a une grande différence entre les yeux des êtres humains et les yeux des aigles. On dit que les yeux des aigles, c'est une vue qui est très très précise, très perçante. Ils sont à des kilomètres dans les airs et ils arrivent à voir leur proie de très loin, et puis ils descendent et ils attrapent. Donc les êtres humains, eux, ils n'ont pas une vue comme ça. La même chose aussi pour certains animaux qui ont une vue qui leur permet de voir certains éléments du spectre de la lumière que nous on peut même pas voir avec nos yeux. La même chose pour l'ouïe. Il y a des animaux qui entendent des sons à des fréquences que nous les êtres humains on les entend même pas, ces bruits-là. On n'entend même pas ces choses-là. Donc si c'est des différences qui existent entre l'ouïe de l'être humain et l'ouïe des d'autres créatures, alors que dire de la différence et de la distinction qui existe entre l'ouïe des créatures et l'ouïe du Créateur? Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison possible. Et c'est la même chose comme ça pour toutes les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'on dise le même terme qui soit employé pour décrire les deux, ça ne veut pas dire que les deux sont la même chose ou que les deux soient semblables. Si on dit qu'Allah a des yeux, les êtres humains ont des yeux, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Parce qu'on utilise le même mot. La réalité est tout à fait différente. C'est pour ça que nous, on affirme les attributs qu'Allah s'est affirmé et on dit qu'il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Ça, c'est très clair. Après, le Cheikh, il dit... وَعَلَى هَذَا, donc c'est, si on comprend cela, donc ça veut dire que il y a une partie du verset qui détruit l'argument de tous les négateurs, parce que la plupart de leurs attributs, plutôt la plupart de leurs arguments, l'argument des gens qui nient les attributs d'Allah et qui ils prétendent que le fait d'affirmer les attributs dans leur réalité implique une ressemblance avec les créatures. Et nous on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et on dit par la suite également, c'est une réfutation également de tous les mumathila, de tous ceux qui font ressembler Allah à sa création. Ceux qui affirment les attributs en faisant une ressemblance et une comparaison entre le Créateur et la créature, et qui disent par exemple que les yeux d'Allah sont véridiques, mais ce sont comme nos yeux à nous, parce que Allah ne nous parle que par ce que nous pouvons comprendre. Alors nous leur disons, ça c'est réfuté par le verset lui-même, puisque le verset, il vient contredire ce que vous prétendez. Et si qu'est-ce que vous dites contredit la vérité, donc ça veut dire que c'est faux. Et donc que votre parole, elle est fausse. Et il dit, وَقَوْلُهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ السَّمِيعُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ الْعُلَمَاءِ إِنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ الْأَوَّلُ سَمْعُ إِجَابَةٍ والثاني سمع إدراك. فمن سمع الإجابة قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، والمعنى أنه مجيب، لأن مجرد السماع ليس فيه ذاك الثناء، وهذا توسل إلى الله تعالى أن يجيب الله الدعوة. والتوسل إلى الله تعالى بمجرد إدراكه للصوت ليس وسيلة في الواقع، إنما التوسل إلى الله لكونه مجيبا للدعاء، فيجيب دعاء هذا السائل. ومنه أيضا قول المصلي سمع الله لمن حمده، ومعناها استجاب الله لمن حمده. Donc le cheikh explique ensuite, il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la suite du verset, il dit et il est As-Sami'ul Basir. Et il explique que le nom As-Sami' fait partie des noms d'Allah. Ça veut dire l'audien, celui qui entend tout. Il dit que les ulama ont divisé la signification de As-Sami' en deux catégories ou en deux sens. Le premier, c'est dans le sens de sam'u ijaba, c'est-à-dire qu'il entend dans le sens qu'il exauce. Et le deuxième, c'est sam'u idrak, c'est-à-dire le fait qu'il entend dans le sens qu'il cerne, et qu'il entend les choses, les paroles de ses serviteurs, et ainsi de suite, et tout ce qui se dit, et ainsi de suite. Et le cheikh, il donne des exemples de ces deux significations-là. Premièrement, le verset 39, le verset 39 dans surat Ibrahim, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Rabbi la sami'ul du'a »« Certes, mon Seigneur exauce les invocations. » La sami' ici, ça veut dire celui qui exauce, pas seulement celui qui entend. Ça veut dire celui qui entend et qui exauce le du'a. Donc ici, c'est dans le sens d'exaucer, de répondre à l'appel et à l'invocation. Donc, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il est mujib. Mujib, ça veut dire celui qui exauce et qui répond à l'invocation et à l'appel. Donc, il dit, si c'était uniquement dans le sens d'entendre, il n'y aurait pas d'éloge dans ce verset-là. Et on sait très bien que At-tawassul, quand on évoque Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant ses noms et ses attributs, eh bien il faut mentionner un attribut et mentionner quelque chose qui a un sens, qui a un sens d'éloge, qui fait que yani Allah subhanahu wa ta'ala nous exauce. Et ici, le fait de dire que Allah exauce l'invocation, eh bien il y a yani un moyen qu'on emploie pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il réponde à notre invocation en le glorifiant. Mais si tu dis uniquement qu'il entend dans le sens qu'il entend, ça c'est pas un moyen dans la réalité. Donc tu utilises comme moyen et comme dua lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala le fait de mentionner qu'il exauce les invocations, et qu'il répond à celui qui lui demande et qui l'appelle. Donc, il dit également, lorsque la personne prie, elle dit, en se relevant du ruku', elle dit, Sami' Allahu liman hamida. Ça veut pas dire, Allah a entendu celui qui l'a glorifié. Ça veut dire que Allah répond à celui qui l'a glorifié. C'est pas dans le sens d'entendre ici. Parce qu'on sait qu'Allah l'entend. Mais c'est dans le sens d'exaucer et de répondre à celui qui l'a glorifié. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh il dit ensuite wa amma sam'u al-idrak fa huwa thalathatu anwa' taratan yakunu lit-ta'yid wa taratan yakunu lit-tahdid wa taratan yakunu لبيان شمول سمع الله عز وجل لكل شيء ففي قوله تبارك وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا للتهديد، بدليل قوله تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ومثل قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا أيضا للتهديد، لقوله تعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وتارة يكون للتأكيد كقوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وهذا ليس المراد مجرد إخبار لموسى وهارون أن الله يسمعهما ويراهما، بل المراد التأييد والنصر وما أشبه ذلك. وتارة يراد به بيان شمول سمع شمول بيان شمول سمع الله لكل شيء، كقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت طرف الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها، والله عز وجل من فوق سبع سماوات يسمع حديثها. فهذا المراد به شمول سمع الله لكل شيء، فأنت إن تكلمت في بيتك فالله تعالى يسمعك، وإن تكلمت في ملأ فالله تعالى يسمعك، وإن حدثت نفسك فالله تعالى يعلم، فإن حركت لسانك حتى صار قولا فالله تعالى يسمعه وإن خفي. ولهذا قال تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه أو خير منهم. إذن السمع ينقسم إلى قسمين، الأول بمعنى الإجابة والثاني بمعنى الإدراك، والإدراك ثلاثة أنواع. Donc, on va lire maintenant la traduction de qu'est-ce qu'on vient de lire. Il dit, donc on a expliqué que السمع il a deux significations. La première signification, c'est le fait d'exaucer, le fait qu'Allah exauce les invocations. Ça, c'est la première signification de السمير et السمع. La deuxième signification, c'est سمع الإدراك. Hein, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il entend dans le sens qu'il cerne et qu'il entend tout ce qu'on dit. Et il y en a trois catégories. C'est divisé en trois catégories, cette signification-là. La première signification, c'est que parfois, السمع, c'est employé dans le sens du support et de l'aide. La deuxième signification, parfois, c'est employé, السمع, c'est employé dans le sens de la menace. Quand Allah dit qu'il entend, c'est parfois dans le sens de la menace. Et troisièmement, quand il dit qu'il entend, c'est parfois pour expliquer le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout, sans exception, et qu'il n'y a rien qui lui échappe. Hein? Ça, c'est la troisième signification. Puis il donne des exemples de chaque catégorie par des versets. L'exemple de la menace, il mentionne par exemple le verset 181 dans Surat Al-Imran, dans lequel il dit « Certes, Allah a entendu la parole de ceux qui ont dit « Allah est pauvre et nous sommes riches ». Ça, c'est les Juifs qui ont dit ça. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit ça pour les menacer. Hein? Nous avons entendu la parole de ceux qui ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. Et la preuve que c'est une menace, ce qu'il dit par la suite dans le verset 181, à la suite de qu'est-ce qu'on a dit, qu'on a lu, il dit سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Il dit, nous écrivons ce qu'ils disent. Hein, nous allons écrire ce qu'ils disent et leur meurtre des prophètes injustement. Et nous leur dirons, goûtez au châtiment du feu. Donc ça c'est un exemple du sens de As-Sami' ou As-Sam', mais dans le sens de la menace, que Allah il les menace du fait qu'il les entend ici, c'est dans le sens qu'il veut les menacer par ça. Un autre exemple, il dit, il cite le verset 80 dans sourate Az-Zukhruf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ. Hein? Ça aussi c'est une menace. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'ils pensent que nous n'entendons pas leurs secrets, est-ce qu'ils divulguent? Il dit ça, c'est un exemple de menace aussi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset, Bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Certes, oui, et nos messagers sont auprès d'eux et ils écrivent. Donc ça, c'est pour confirmer la menace encore une fois. Après, il dit également parfois le terme as-sam' par rapport à Allah, il est employé aussi dans le sens du support et de l'aide. Comme dans l'exemple de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à Moussa et Haroun. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, lorsqu'il leur dit dans le verset 46, dans surat Taha, La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Asma'u wa ara. Le Cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, il ne fait pas dire uniquement, yani ne craignez pas tous deux, yani je suis avec vous deux et je vous entends et je vous vois. Mais en même temps, il est en train de leur dire, que il vous voit, il vous entend, et qu'est-ce qu'il veut dire en fait, c'est qu'il vous supporte, et il est avec vous pour vous aider, hein, et pour vous faire triompher contre Pharaon, et ainsi de suite. Après, il dit, ouais, et parfois, qu'est-ce qu'on veut dire par as-sam', c'est le sens de l'ouïe d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que Allah il entend tout, sans exception, et qu'il n'y a rien qui lui échappe, même les plus petits bruits. Et il donne l'exemple dans surat al-Mujadala, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes Allah a entendu la parole de celle qui vient disputer le cas de son mari, hein, et qui se plaint à Allah. Et Allah a entendu votre discussion, votre échange. Donc il dit ici, Aïcha radiallahu anha, quand elle a entendu ce verset, elle a dit, subhanallah, elle a dit, alhamdulillah, celui qui entend toutes les voix, et que sa voix, elle enveloppe tout, c'est-à-dire son ouïe, elle entend tous les sons et toutes les voix. Il dit, j'étais moi-même dans un des coins de la chambre, hein? Et il y a certaines paroles de cette femme qui m'échappaient. C'est-à-dire, j'étais tout proche. Et il y a des paroles de cette femme, quand elle parlait, j'arrivais pas à entendre. Et celui qui est au-dessus des sept cieux, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il a entendu sa parole. Et il l'a dit dans surat al-Mujadala, Qad sami' Allah. Hein? Allah a certes entendu la parole de cette femme qui est venue au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est pour dire, yani, que yani Allah subhanahu wa ta'ala il entend tout. C'est la discussion, c'est ça. La discussion qu'il y a eu de la part de cette femme qui venait se plaindre de son mari. Et donc le Cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des sept cieux, il a entendu sa parole. Et c'est ça la signification ici, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, son oui, elle enveloppe tout, elle englobe tout. Hein? Il entend toutes choses. Donc toi, tu es chez toi, tu parles, Allah il t'entend. Tu parles dans une assemblée, devant une assemblée de gens, Allah il t'entend. Tu parles avec toi-même, tu te parles à toi-même, Allah il t'entend. Tu bouges ta langue pour dire des choses, hein, des paroles, Allah il t'entend même si c'est secret, même si c'est tout bas. Et il dit, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith al-Qudsi, il dit, celui qui se rappelle de moi en lui-même, je me rappellerai de lui en moi-même. Et celui qui se rappelle de moi devant une assemblée, je vais me rappeler de lui, ou je vais le mentionner dans une assemblée meilleure que ça encore. Et donc ça c'est pour expliquer que as-sam', hein, l'ouïe, quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on dit qu'il entend, eh bien ça a ces deux sens-là. Le premier c'est le sens qu'il exauce, et le deuxième c'est le sens qu'il cerne tout et qu'il entend tout. Donc on va s'arrêter ici pour ce cours-ci, et on continuera la semaine prochaine inshallah. Subhanakallahu wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.